Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les Celtes font dieu de tout bois. Vous souvenez-vous de ce petit chien gaulois qui hurle à la mort quand un arbre est abattu? Il s'appelle Idéfix et dans les aventures d'Astérix le Gaulois, il est le compagnon d'Obélix, chasseur de sangliers. Vous souvenez-vous de ce druide qui, pour préparer la potion magique, a besoin d'un peu de gui coupé avec une serpe d'or? Il s'appelle Panoramix. Le chêne majestueux et le sympathique pommier sont autant d'arbres que les Celtes relient à leur dieu. Alors ayons une idée fixe, trouver l'arbre monde pour offrir un panorama magix, un panorama des arbres dans la religion des Celtes. Bernard Sergent, bonjour. Bonjour. Ah, nous parlons des Gaulois. Et évidemment, c'est Astérix qui nous arrive à l'esprit. Omniprésence de la forêt pour les Celtes, mais pas seulement, il faut peut-être nuancer. Les Celtes vivent dans des villes. Dans des villes et dans des villages et dans des fermes. Et donc la forêt en Gaule n'était pas totale. Il n'y avait pas une forêt qui couvrait la Gaule, comme on le dit souvent. Il y avait des fermes, donc les paysans devaient défricher pour faire leurs champs. On a des silos où ils conservent leur blé. Donc une partie de la Gaule était forestière, effectivement. Plutôt dans le nord, d'ailleurs, à mon avis. Dans l'Ardenne, en particulier, c'était forestier. Mais dans le reste de la Gaule, dans la totalité de la Gaule, il y avait des paysans. Oui, c'est ça. Et l'archéologie a fouillé depuis plusieurs décennies des fermes gauloises. Oui, parce qu'il n'y a pas que des forêts. Les Gaulois ne vivent pas au milieu de la forêt. Par contre, la forêt est incontournable. Mais d'ailleurs, au moment de parler des Celtes, j'utilise le mot gaulois. Là aussi, il faut apporter beaucoup de nuances. La notion de Celte est complexe. Écoutez, je suis de ceux qui emploient surtout Celte. Parce que gaulois est effectivement ambigu et restrictif. Quand on dit gaulois, on parle des Celtes de la Gaule. Bah oui, mais il y avait des Celtes en bien d'autres endroits que la Gaule. Il y en avait en Grande-Bretagne, il y en avait en Europe centrale, il y en avait en Espagne. Donc gaulois, pour moi, est insuffisant. Patrice Lajoie est avec nous aujourd'hui. Bonjour Patrice Lajoie. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Au moment de penser justement, comme on l'évoque, les Celtes, il y a tout de suite à mettre en place cette idée de grande diversité. Puisque nous pensons à la religion, il y a autant de religions celtes que de celtes, ou alors il y a des points communs qui sont une évidence? Je ne pense pas qu'il y ait autant de religions celtes qu'il y a de celtes. Ça, à mon avis, c'est une erreur. Les Celtes sont, il est vrai, divisés en plusieurs groupes ethniques, si on peut dire, avec des langues parfois légèrement différentes, mais pour ce qu'on a pu noter, en fait, à partir des sources antiques ou médiévales, il semble bien que la base de leur religion est uniforme, avec des variantes locales, avec des adaptations locales évidemment, mais avec un fond commun qui transparaît à partir des sources dont on dispose actuellement. Parce que pour les religions monothéistes, mais qu'est-ce que c'est pratique d'avoir la Bible, d'avoir le Coran, un texte, voilà, au moins c'est écrit. Là, nous n'avons pas de texte. D'ailleurs, Patrice Lajoie, pourquoi il n'y a pas de texte puisqu'il y a des formes d'écriture? Alors ça, c'est une question qu'on n'a toujours pas réussi à trancher. On a longtemps cru au témoignage de César qui disait que les Gaulois n'écrivent pas. Et donc qu'il s'agirait d'un tabou religieux, ce n'est pas si vrai que ça, puisqu'on a quand même un bon corpus maintenant d'inscriptions en langue gauloise, et parfois antérieures à la conquête romaine. Donc les Gaulois écrivaient. D'autres Celtes écrivaient aussi. Les Celtes ibères avaient une écriture. Les Lépontiques en Italie avaient une écriture. Par contre, il semble que cette écriture ait été réservée, pour ce qui concerne la religion, à des choses extrêmement succinctes, et notamment des dédicaces à des divinités. Quels sont les noms, d'ailleurs, de ces divinités? Parce que c'est très intéressant ce que vous dites, Patrice Lajoie. Nous sentons que ce ne sont que quelques mots de ci, de là. Que disent-ils? Ces dédicaces, oui, elles ne comprennent que, en général, une courte phrase, « Oh Dieu, machin », de la part de, mettons... de la part d'Idéfix, En réponse à la suite d'un vœu, pardon. Oui, c'est tout simplement C'est ça. extrêmement court. Et du coup, en général, on ne dispose que du nom de la divinité. Quelles sont ces divinités, d'ailleurs, Bernard Sergent, qui apparaissent dans ce panthéon Alors, écoutez, celtique? si on se met à l'époque gallo-romaine, où il y a le plus grand nombre d'inscriptions, il y a une infinité de noms divins qui apparaissent dans les dédicaces, hein, comme l'a signalé Patrice Lajoie. On en a des centaines et des centaines. Il y en a en France, bien sûr, il y en a en Grande-Bretagne, il y en a en Allemagne, il y en a en Espagne, surtout l'Espagne occidentale. Voilà. Donc, je peux pas vous en dire, il y en a trop. Des centaines. Alors, ce qu'on a, par contre, ce sont des textes gallo-romains qui nous précisent un tout petit peu quels étaient les grands dieux celtiques, enfin, les principaux dieux celtiques. Je confirme ce qu'a dit Patrice Lajoie, on ressent une unité de la religion gauloise, un peu comme vous comparez avec la Grèce était divisée en cités, mais tout le monde avait la même religion. Les Celtes, c'était un petit peu le même cas de figure. Donc, on a des noms de dieux par les sources gallo-romaines, et on a par exemple à Paris un document extraordinaire qu'on appelle le Pilier des Nôtres, et ce Pilier des Nôtres confirme en grande partie ce qu'écrivent. C'est un pilier inscrit avec des noms de divinités celtiques et romaines dessus. Ce qui est dit sur le pilier confirme en gros ce que disent les sources écrites gallo-romaines. Donc on a les grands dieux, on a Teutates, qui était manifestement un dieu qui gardait les frontières, entre autres choses. On a Taranis, qui était le grand dieu du ciel qui faisait le tonnerre. Taran veut dire tonnerre en breton. Hein. Et le troisième... J'ai plus son nom en tête, enfin, ça va revenir. Enfin voilà, on a des noms de dieux comme ça qui apparaissent dans quelques sources écrites gallo-romaines. Et même pour les mythes, on a très peu de sources. On n'a pas de mythes des Celtes antiques sur leurs mythes, mais on a des gallo-romains, enfin non pas les gallo-romains, des Romains et des Grecs qui ont raconté des histoires celtiques. Oui, c'est ça, hein, c'est ce regard venu de l'extérieur sur cette religion qui nous en apprend beaucoup. Et confronté, Patrice Lajoie, à ce que vous avez évoqué, ces inscriptions, nous arrivons à dresser un panorama de la culture celte. Mais cela nécessite en fait énormément de comparaisons avec ce qui peut se pratiquer ailleurs en Europe sur des schémas plus ou moins classiques, peut-être même au-delà de l'Europe. Oui, c'est nécessaire. Le comparatisme est absolument nécessaire parce que sinon, si on ne procédait pas ainsi, bien ma foi, on en serait encore à étudier juste des listes de noms, à faire leur étymologie et puis c'est tout. Or, comme l'a dit Bernard, des Grecs et des Romains ont un petit peu écrit, ont rapporté quelques fragments de mythes, pas beaucoup, très très peu, parfois mal compris. Il faut savoir que les Grecs et les Romains, finalement, connaissent très très mal leurs voisins. Parfois même leurs voisins les plus proches, les Thraces, les Lydiens, ils les connaissent au niveau de l'histoire, mais par contre, dès qu'il s'agit de culture, de religion, ils ne nous disent plus rien. Et c'est pareil avec les Celtes. Oui. Donc on a des fragments, et ces fragments, on sent bien qu'ils se rapportent à des mythes beaucoup plus larges, beaucoup plus grands, mais on n'a pas la clé interne pour les comprendre. Donc pour ça, on peut essayer de faire appel au comparatisme et donc à aller voir ce qui existe effectivement dans les mythologies grecques, romaines, germaniques et d'autres encore, indiennes évidemment, pour voir ce qui a existé chez ces peuples-là, comparer et se dire « Ah, bah ce petit fragment-là, il ressemble étonnamment à ce grand récit mythologique qu'on connaît en Inde, alors peut-être qu'il y a eu quelque chose de similaire chez les Celtes. C'est comme s'il y avait des grandes familles thématiques de dieux qui allaient se décliner après de manière locale, avec des noms légèrement différents, mais nous allons toujours trouver un dieu, je sais pas moi, on l'a évoqué, des frontières, un dieu du tonnerre, etc. C'est bien ça, Patrice Lajoie? Oui, c'est... les Celtes sont des Indo-Européens, comme les Indiens, comme les Grecs, les Romains, etc. Donc, à la base, il y a eu des structures communes, des structures religieuses communes à l'ensemble de ces peuples. Donc, ça n'est pas surprenant si on retrouve à chaque fois des éléments communs ou des choses qui se ressemblent d'un peuple à l'autre. Le souci, c'est qu'évidemment, avec la dispersion des peuples indo-européens, il y a eu déviation, variation. Donc, il faut toujours se garder de dire, ah ben, on a un arbre sacré chez les Celtes, on a un arbre sacré chez les Grecs, donc c'est la même chose. C'est pas tout à fait vrai. On peut avoir des structures communes qui transparaissent, des fragments de récits communs qui transparaissent, mais il faudra toujours se méfier et ne pas dire que le sens de tout cela est le même, par exemple. Eh oui, Le sens peut varier énormément. voilà, c'est ça, hein. C'est vraiment toujours se mettre là d'où nous étudions la question, sur un territoire extrêmement vaste, en fait, qui couvre bien plus que l'Europe, avec des dieux celtes évoqués par l'historien Georges Dumézil. Chez les Celtes, c'est beaucoup plus délicat. Notre information est d'une époque. Enfin, elle est double, notre information. Il y a un magnifique texte de César énumérant, en les hiérarchisant, les dieux des Gaulois. Enfin, si intelligent que fût César, et Dieu sait s'il l'était, des choses ont pu lui échapper ou il n'a peut-être pas très bien compris. Et puis, par bonheur, nous avons la mythologie irlandaise assez bien conservée, mais à époque chrétienne. Georges Dumézil, qui s'exprimait dans les après-midi de France Culture en 1977, et c'est en écho à tout ce que nous venons de dire. Il y a les textes produits par les Romains, mais vraiment très incomplets. Et puis, il y a le comparatisme nécessaire avec tous ces éléments qui sont aussi ceux qui nous intéressent, c'est-à-dire ces inscriptions. Bernard Sergent, peu à peu, comment arrive-t-on à dresser un panorama de la religion des Celtes? Ces éléments suffisent? Il y a énormément de traditions dans lesquelles, oui, les arbres sont importants. Alors, il y a là aussi une documentation antique, et comme l'a dit Dumézil, il y a une documentation beaucoup plus récente, irlandaise. Il faut savoir que l'Irlande n'avait pas été conquise par Rome, que les traditions irlandaises se sont maintenues grâce à des poètes pendant des siècles. Quand elle a été christianisée, le matériel de ces poètes a été mis par écrit, de sorte que nous avons en Irlande un matériel extraordinaire qui éclaire énormément ce que nous avons à penser sur la religion des Celtes. Donc nous avons une augmentation antique sur le rôle des forêts dans la religion celtique, et nous avons une augmentation irlandaise. Oui, c'est très intéressant, hein, de voir en fait cet échange qui casse l'idée que les Celtes forment un tout, mais qui en même temps rappelle combien les Celtes sont reliés par la religion. Les Celtes, évidemment, ils ne vivaient pas tous dans des forêts, vous nous l'avez très bien dit, Bernard Sergent, mais le bois est essentiel à leur mode de vie, ne serait-ce que pour la construction. Nous ne dirons jamais combien cette relation est intense et intime, celle qui relie l'arbre et l'homme. Regardez un arbre, regardez un homme et voyez ceci. L'arbre abrite l'homme, mais l'homme abat l'arbre, le bel abruti. C'est pourtant un arbre qui portait des pommes dans le paradis. Avec son petit homme, Ève était sous l'arbre, le serpent aussi. Du dessus des arbres, Dieu chassa notre homme, Ève le suivit. Ils firent d'autres hommes forts comme des arbres, et c'est bien ainsi. Au-dessous des arbres, tout ce monde en somme dut gagner sa vie. En croquant des pommes, en grimpant aux arbres, les femmes aussi. L'été, sous les arbres, on voit tous les hommes chercher un abri. L'automne voit l'homme caché derrière l'arbre avec un fusil. L'hiver voit les arbres brûler devant l'homme pour chauffer ses nuits. Le printemps, pour l'homme, c'est gravé sur l'arbre, mon amour chéri. Fort comme du marbre, vous savez que les hommes aiment le rififi. Dans le linge de l'homme qui sèche sur l'arbre, il y a des chemises de nuit. Quand on voit ce linge étendu sous l'arbre, on se sent tout petit. L'homme descend du singe, le singe descend de l'arbre. Qui est-ce qui l'a dit ? Au plus haut de l'arbre, pour éviter l'homme, se cachent les nids. Quand on est un homme, on adore les arbres, les oiseaux aussi. Mais on sait que l'arbre fera tout pour l'homme comme un vieil ami. Pour empaqueter l'homme, quatre planches d'un arbre, au revoir et merci. Colette Renard qui chante L'arbre et l'homme dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger. Quand les Celtes font dieu de tout bois. Alors Bernard Sergent, le titre est là pour faire sourire. Quand les Celtes font dieu de tout bois. Tout bois n'est pas dieu, on s'en doute bien. Est-ce que l'arbre lui-même est dieu ou est-il juste un réceptacle d'une forme de divinité? On peut pas répondre à cette question, on n'a pas assez de documents. Mais ce qui est certain, c'est que les Celtes reconnaissaient certains arbres comme étant particulièrement sacrés. Il y avait des bois entiers qui pouvaient être consacrés pour être une sorte de sanctuaire où on adorait des dieux. Et ces dieux, bah, évidemment, ils étaient en bois. Les Celtes ne sculptaient pas la pierre, ou très peu. On a très peu de documents en pierre celtique, et on peut soupçonner que beaucoup des statues de dieux étaient en bois. Et donc, lorsqu'un texte antique nous dit que près de Marseille, il y avait un bois très dense, pratiquement une forêt vierge, où on adorait de façon cruelle le trois dieux, disons gaulois, oui, il y avait certainement des statues ou des ébauches de statues, évidemment en bois. Oui, ben, on va vous répondre, mais les Gaulois ou les Celtes sculptaient, regardez ces beaux mégalithes, regardez ces beaux menhirs. Mais là, nous ne sommes pas dans la sculpture figurative ou à de rares exceptions près. Oui, bah si on me dit ça, je réponds, vous ne connaissez rien en préhistoire, parce que les menhirs et les dolmens, c'est très antérieur aux Celtes. C'est plusieurs millénaires avant. Donc, ça n'a rien à voir avec la religion des Celtes. On a des statues en matière minérale celte, mais la tendance archéologique actuelle, c'est de les interpréter comme des statues d'ancêtres. Oui, d'accord. Nous ne sommes pas dans la divinité. Oui, enfin, il n'y a pas beaucoup de preuves d'ailleurs. C'est une sorte d'affirmation qui court les publications. Enfin, voilà, on en est là. Et il y a vraiment cette idée de l'arbre qui peut cacher la forêt. Patrice Lajoie, dans l'arbre, dans la place qu'il occupe dans la religion des Celtes, il y a l'arbre individu et l'arbre forêt. C'est-à-dire que la divinité ou l'aspect sacré peut être sur un individu, un arbre ou un bois. C'est très intéressant parce que ce bois peut être planté, il n'est pas obligatoirement sauvage. Tout à fait, oui. Les Celtes ont un terme particulier qui est néméton, qui désigne un sanctuaire, mais qui désigne aussi le bois sacré. Il y a ambivalence de sens concernant ce terme-là. Alors la plupart du temps, on sait très bien qu'il s'agit d'un bois sacré, même si étymologiquement, c'est juste le sanctuaire. D'accord, c'est juste un sanctuaire et associé à alors cet arbre ou ce bois sacré, y a-t-il des constructions ? Y a-t-il, je sais pas moi, alors on a évoqué ici qu'il y avait peu de sculptures, mais il peut y avoir une construction en pierre, ou est-ce que le bois suffit-il en lui-même, Patrice Lajoie ? Ça, c'est très difficile à dire parce que pour l'instant, au niveau archéologique, on est loin d'avoir tout découvert, évidemment, surtout pour ce qui concerne l'époque précédant la conquête romaine. Pour après la conquête romaine, là, par contre, on sait qu'il y a des bois associés à des sanctuaires en dur. maçonnée. Et il y a même un sanctuaire qui a été fouillé en Belgique où on a un faux bois, c'est-à-dire des poteaux Ah qui oui, remplacent d'accord. les arbres. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Et Allez-y, Patrice Lajoie. je voulais juste revenir sur la question des idoles dont vous parliez tout à l'heure. Bernard a cité un texte de Lucain sur le sanctuaire La Forêt à côté de Marseille, mais Lucain dit bien justement qu'il s'y trouve des idoles, mais des idoles qui ressemblent à des troncs d'arbres. Ah oui, d'accord. Il y a une mise en abîme dans cette histoire-là, Bernard Sergent, parce que au moment de réfléchir à la place de l'arbre dans la religion des Celtes, nous pouvons juste faire un pas de côté et se demander si dans la religion des Celtes, il y a d'autres représentations du dieu, d'autres manifestations du dieu qui ne seraient pas l'arbre. Est-ce que tout est arbre? Non. Non. Là, avec votre question, je pense à ce qu'on appelle les colonnes à langipède. Ce sont des colonnes en pierre, d'époque gallo-romaine. Hein. On n'en connaît pas antérieure à la conquête. Ce sont des colonnes qui étaient répandues dans la moitié nord de la France surtout, et qui sont couronnées par une statue d'un dieu qui terrasse un monstre. Ce qu'on appelle, enfin, le monstre, on l'appelle langipède, donc on appelle ces statues les colonnes à langipède. Le dieu, on l'identifie à Taranis, donc le dieu du ciel, le dieu tonnant. Évidemment, cette colonne est en pierre, ce n'est pas un arbre. Ouais, mais une colonne, quelque part, c'est une forme d'arbre voilà. Minéralisé. Et c'est l'occasion de réfléchir justement à tout cet héritage de la civilisation celtique en Europe, car nous devons tout aux Celtes. On trouve dans les régions continentales plutôt des traces de lieux sacrés possédant le caractère de culte, lieux encerclés et délimités par des clôtures ou des fossés, conçus en général d'une manière extrêmement simple. Il s'agissait souvent d'un terrain limité, d'un bosquet, d'un bois ou d'un certain arbre sacré, d'une simple colonne ou encore d'un piquet de bois. Certaines forêts et montagnes étaient également sacrées, puis des loci consecrati, des lieux sacrés, où les Celtes offraient des sacrifices à leurs dieux, comme nous l'apprend César lui-même. Une vieille tradition, d'anciennes coutumes, se conservèrent ici fort longtemps sous de nombreux aspects. À la lumière des découvertes actuelles, les sculptures sont extrêmement pauvres dans les régions continentales. Elles ne s'y manifestent d'ailleurs que rarement et évoquent plutôt des caractéristiques à base de colonnes. Elles sont intimement liées aux images du culte et aux manifestations religieuses et témoignent souvent de la prédilection des Celtes pour les motifs ornementaux. En 1962, l'Université radiophonique internationale évoque l'héritage de la civilisation celtique en Europe. Bernard Sergent, il y a tout ce que vous venez de dire ici. Il y a, eh bien, ces piliers qui sont des arbres. Alors, parfois, oui, la colonne, effectivement, peut évoquer un arbre, mais il y a l'évocation de sacrifices. Toujours très difficile avec les Celtes de savoir ce qui se pratiquait, mais connaît-on des éléments, alors, de fêtes, de cérémonies autour de ces arbres? Alors écoutez, on aborde là un très gros dossier, très complexe. On a d'abord un texte de Strabon qui nous dit très clairement, en matière de sacrifice, les Celtes font comme nous les Grecs. Hein. Autrement dit, il faut penser que les Grecs sacrifiaient les mêmes animaux que les Grecs, ou à peu près, avaient le même mode de sacrifice. Bon, mais maintenant, on a quand même d'autres documents que le texte de Strabon, et on a beaucoup d'indications sur des formes sacrificielles curieuses. Alors, en particulier quand on passe au sacrifice humain. Contrairement aux Grecs, les Celtes faisaient des sacrifices humains. Et là, on a des textes où on nous dit que on tue quelqu'un d'un coup d'épée, la façon dont il tombe, la façon dont s'écoule le sang, tout cela indique que c'est un moyen de prédiction. Dans le culte des arbres en particulier, je vous répète qu'on n'a pas énormément de documents, mais le peu qu'on a ne mentionne pas du tout le sacrifice humain en liaison avec les arbres. Hein. Le plus notable document, c'est l'Empline. C'est l'Empline, c'est un texte, vous allez le passer, non? Allez-y. C'est un texte donc de... Dans Pline, on a la lecture, effectivement. Oui, hein, un texte de Pline, où il nous dit que des druides allaient cérémoniellement, à un moment, à une fête, il ne dit pas qu'elle est annuelle, mais enfin, le sens est là, une fête annuelle, ils allaient cueillir le gui sur un chêne particulier, Ils mettaient une robe blanche pour cet événement. Ils amenaient des bœufs qu'on sacrifiait, là, c'est des sacrifices animaux. Et ils utilisaient une faucille d'or. C'est très joli, mais tout ça, on n'a pas retrouvé les faucilles archéologiquement, bien sûr. Et donc, on n'a que ce texte de Pline qui indique ça. C'est déjà pas mal. Et puis, après, bien sûr, on a Astérix qui a repris ça, parce que la serpe d'or, ça nous permet de voir comment la culture populaire est reliée. Oui. Alors, à des textes, bah là, c'est Pline, c'est l'histoire naturelle. Et je précise, pour le plaisir du vocabulaire, que rouvre signifie petit chêne. Il ne faut pas oublier non plus à ce propos l'admiration des Gaulois pour le gui. Les druides, c'est le nom qu'ils donnent à leur mage, n'ont rien de plus sacré que le gui et l'arbre qui le porte, pourvu que ce soit un rouvre. Le rouvre est déjà par lui-même l'arbre qu'ils choisissent pour les bois sacrés, et ils n'accomplissent aucune cérémonie religieuse sans son feuillage. C'est un fait qu'ils regardent tout ce qui pousse sur ces arbres comme envoyé du ciel, et y voient un signe de l'élection de l'arbre par le dieu lui-même. On trouve très rarement du gui, de rouvre, et quand on en a découvert, on le cueille en grande pompe religieuse. Ce doit être avant tout au sixième jour de la lune. Ils l'appellent dans leur langue « celui qui guérit tout ». Ils préparent selon les rites au pied de l'arbre un sacrifice et un festin religieux et amènent deux taureaux blancs dont les cornes sont liées à l'or pour la première fois. Un prêtre, vêtu de blanc, monte dans l'arbre, coupe le gui avec une serpe d'or et le reçoit sur un saillon blanc. Ils immolent ensuite les victimes en priant le dieu de rendre son présent propice à ceux auxquels il l'a accordé. Ils croient que le gui, pris en boisson, donne la fécondité à tout animal stérile, qu'il est un remède contre tous les poisons. Marion Dupont dans le cours de l'histoire sur France Culture qui lisait cet extrait de l'histoire naturelle de Pline. Alors Pline l'Ancien, nous sommes au 1er siècle de notre ère. Bernard Sergent, c'est un regard porté par un Romain sur la pratique des Celtes. Malgré tout, on peut imaginer qu'il ne l'invente pas. En fait, comme vous nous avez expliqué qu'il y a autant de particularismes locaux dans la religion, ça ne peut être toujours que biaisé. Écoutez, on n'a que ce texte. On n'a pas une seule autre source qui nous en parle. Donc, on ne peut pas juger de la généralité ou non de cette coutume. Le fait qu'il mentionne des rouvres, qui sont plutôt un arbre du sud de la France, pourrait indiquer que c'est plutôt une coutume du sud de la France. Mais bon, on n'en sait rien. Des Celtes du nord de la France ou d'Angleterre peuvent très bien s'adresser à d'autres types de chênes. Oui, ben, il faut du gui, de toute façon. On a des inscriptions à ce sujet qui sont un dieu arbre. Hein, qui sont des dédicaces à un dieu arbre. Ce n'est pas un arbre particulier, c'est un dieu arbre qui c'est un dieu aussi... arbre. On a ça dans les Pyrénées, entre autres. Enfin voilà, faut le mentionner, c'est intéressant. Alors, c'est le seul texte qui nous dit que les druides avaient des robes blanches. Dans les textes irlandais, on a des druides. Et ça arrive, mais c'est exceptionnel qu'ils portent des robes blanches. Voilà, on est un petit peu dans une matière dont on a des éléments. Hein, mais c'est passionnant d'ailleurs d'essayer de saisir comme ça, mais alors du bout des doigts, la religion des Celtes. Mais Patrice Lajoie, vous nous avez bien dit que le comparatisme est une grande aide pour essayer de comprendre cette religion. Dès lors, nous pouvons penser à la place des arbres dans les autres religions. Et alors là, l'arbre est essentiel. Nous sommes dans la Bible avec un arbre dès le début. C'est l'arbre, la pomme. Et puis nous allons trouver tant chez les Grecs que chez les Romains, des arbres aussi. L'arbre a une place essentielle. Quand Pline écrit, il est lui-même porteur d'une histoire de l'arbre dans la religion. Oui, tout à fait. Mais là encore, le gros souci qu'on rencontre en allant voir ce qui se passe dans d'autres religions, c'est qu'on va trouver des structures similaires, mais dont le sens ne sera pas forcément le même. Dans la Bible, il est question de deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance, par exemple. C'est quelque chose qu'on n'a pas dans le monde grec, où on va avoir un arbre sur l'île des Hespérides avec un dragon à son pied et puis des divinités féminines qui l'accompagnent. Ça, c'est un modèle qu'on trouve un petit peu partout dans le monde indo-européen. Mais chez les Celtes, cet arbre, il va être non pas deux ou un, mais tout un bosquet. Oui. On a dans des textes irlandais notamment, on a des coudriers, ils sont neufs de mémoire. On a toujours une très très grande variation qui rend complexe le travail que nous faisons. C'est ce qui fait qu'il est passionnant d'ailleurs. Effectivement, et c'est aussi passionnant d'essayer de comprendre cette cosmologie celte dans laquelle nous trouvons l'arbre monde. Je suis né d'un songe de la terre, rêvant qu'elle s'unissait au ciel. J'ai grandi dans l'ombre inquiète de racines toujours assoiffées d'obscur. Et j'ai fleuri dans l'allégresse de la sève et l'offertoire des frondaisons. Je suis l'axe du monde, vivant défi des temps carbonifères. L'alliance de l'ombre et de l'éclair, le tremplin des orages, l'esprit des sources et des souffles. Je suis le sommeil et l'éveil, le silence et la symphonie. Je suis l'oratoire des astres et mes feuillages s'impatientent des apocalypses à venir. J'abrite en mes branches l'aspic et l'alouette, l'ogre et l'océanide, le singe et la sylphide, le ver et la vestale. J'abrite l'hier des fauves, le présent des oiseaux et le demain des hommes. J'abrite le nid des anges et les couvées du ciel. Je suis l'axe du monde. L'axe du monde, c'est un poème extrait de l'anthologie « À l'orée du pays fertile » de Jacques Lacarrière. C'est un ouvrage paru en 2011 à propos... Alors, d'Yggdrasil, je ne sais pas comment on lit, la lecture était de Laurence Tucker, Patrice Lajoie. Mais qui est cet arbre-monde? Vous avez consacré un ouvrage publié au CNRS Édition, « L'arbre-monde, la cosmologie celte ». Qu'est-ce que cet arbre? Vaste question. Il peut être le monde lui-même dans son ensemble, donc le symbole du monde. De façon plus restreinte, il va être l'axe du monde, c'est-à-dire le support autour duquel tout va s'organiser. Et donc, effectivement, ses racines se trouvent dans l'autre monde souterrain, sa ramure se trouve dans le ciel et il parcourt verticalement l'ensemble des strates du monde. Il va être lui-même une image du dieu. Mais c'est un arbre qu'on retrouve pour tous les Celtes ou c'est quelque chose de spécifique? Ah non, non seulement chez tous les Celtes, puisqu'on en a des traces en Irlande, on en a des traces en Gaule. Je dis bien des traces parce qu'à chaque fois on a des fragments de mythes. Hein. Et au-delà des Celtes, on le retrouve dans toute l'Eurasie et en Amérique. Symboliquement, c'est un motif mythologique majeur et sans doute extrêmement ancien. Oui, parce que nous avons donc ces racines qui plongent sous la terre et puis surtout bah, tout en haut, l'arbre qui s'approche du ciel. Il y a une lecture que l'on arrive à faire, Patrice Lajoie, uniquement en comparant. Et puis il y a peut-être des hypothèses à donner. Mais cet arbre-monde n'est pas un arbre réel ou alors peut-être certains arbres sont comme des incarnations terrestres de l'arbre-monde. Alors, il se passe avec ce sujet quelque chose qui arrive avec d'autres types de récits, c'est-à-dire qu'on va avoir une représentation macrocosmique du motif, donc une théologie, et en même temps on peut avoir des représentations microcosmiques locales qui prennent la forme d'un arbre particulier dans le paysage et qui va devenir lui-même un arbre sacré. Patrice Lajoie, donc j'ai dit, hein, vous êtes l'auteur de l'Arbre Monde, vous êtes l'auteur récemment hein, d'une grande anthologie du fantastique russe et ukrainien. Dans ce regard apporté sur la religion des Celtes, bien sûr nous pensons aux Gaulois qui sont installés chez nous mais qui ne l'ont pas toujours été vu que eux aussi ont voyagé. Par exemple, cet Arbre Monde, c'est quelque chose que l'on va retrouver ailleurs que dans l'ouest de l'Europe. On va retrouver ça dans ces pays slaves. Quand les Slaves arrivent, ils ont déjà ça, il y a déjà des arbres remarquables. C'est une lecture très simple, ils arrivent à se lier eux-mêmes avec cette religion? Ah ben, de toute façon, ils ont connu vraisemblablement eux-mêmes, sans l'emprunter à d'autres, ce motif. Comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est quelque chose qui est attesté d'un bout à l'autre de l'Eurasie. de l'Irlande jusqu'à la Mongolie, et on en connaît aussi des versions dans les Amériques. C'est un motif mythologique qui remonte au Paléolithique, vraisemblablement. Donc oui, tous les peuples indo-européens le connaissent, sans exception. Soit on le sait, soit parce qu'on dispose de textes à ce sujet, comme en Inde, ou évidemment chez les Scandinaves avec Yggdrasil, qui est un exemple spectaculaire, soit parce qu'on a des attestations, comme je l'ai dit, microcosmiques, donc des arbres sacrés, et ces arbres sacrés vont avoir une description qui va concorder avec l'arbre du monde. Donc on va par exemple avoir une représentation de serpent à son pied, ou bien une source, ou bien on va lui associer des divinités féminines mineures. Ce sont des éléments qu'on retrouve presque systématiquement associés à ces arbres. Le taureau, notamment. Le taureau aussi, enfin un grand herbivore, on va dire. Parce que ce n'est pas forcément un taureau, ça peut être un cerf, ça peut être une chèvre aussi, et qui va se trouver, c'est assez curieux, dans la ramure de l'arbre. Pour le cerf, tout comme les bois du cerf peuvent rappeler les branches de l'arbre, on a comme encore une fois, une mise en abîme en fait entre l'animal et l'arbre lui-même. Tout à fait. Ça, par contre, c'est plutôt celtique. Ça, c'est plutôt celtique. C'est pour ça qu'il faut des grands spécialistes pour maîtriser un petit peu cette religion des Celtes dont nous savons peu de choses, mais qui demeure passionnante et surtout qui a un écho beaucoup plus large et un écho jusqu'à nos jours, évidemment. Il devait être dans l'émission. L'invincible puissance de Rome, comme les serres du Faucon, elle s'est refermée sur tous les continents. Sauf ici, en Armorique, où une poignée d'irréductibles Gaulois continue de rire au bec de l'aigle impérial, leur chère forêt laissant à la place à de glorieux immeubles. Encerclés par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître. Comment vas-tu appeler ta glorieuse cité ? Le domaine des dieux. Un vrai raccourci, il faut qu'on te parle. Il est en réunion, je peux prendre un message ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pendant un mix ? Place à la civilisation. Leur forêt, on va la déboiser. Oh, j'ai bien une idée, mais je suis sûr que vous n'allez pas vouloir. Aïe. Aïe. Le domaine des dieux Astérix, le domaine des dieux, c'est le film en 2014 d'Alexandre Astier et Louis Clichy, évidemment inspiré de l'album d'Astérix et Obélix de René Goscinny et d'Uderzo. Bernard Sergent, nous avons... Pour ce qui concerne l'ouest de l'Europe, en tout cas la Gaule, l'arrivée des Romains, la Gaule romaine. Est-ce que cela est une rupture dans la pratique des Celtes, dans le rapport qu'ils entretiennent avec leurs arbres particuliers, leurs arbres sacrés? Les Romains s'en accommodent? Alors, d'une part, les Romains pouvaient parfaitement s'en accommoder. Mais, encore une fois, on n'a pas de source à l'époque. Les druides ont été interdits par l'empereur Claude, donc on est vers 40-50 de notre ère. Évidemment, les druides, une fois interdits, ils ont continué à exister, mais ils n'avaient plus d'expression publique. Hein, ils étaient en quelque sorte clandestins dans leur propre pays. On a des druides qui apparaissent au 4e siècle, hein, donc ce qui prouve bien qu'ils avaient survécu. Mais, encore une fois, ils n'ont pas écrit. On n'a pas vraiment de source sur le culte de l'arbre à l'époque romaine. Bon, je reviens à l'Irlande. L'Irlande a été christianisée un peu plus tard que la France, et surtout, hein, les poètes ont continué à travailler. Ils travaillaient pour les cours royales. Donc, ils ont continué à travailler, et leur poésie a été ensuite mise par écrit. À la fin du premier millénaire, elle commence à être mise par écrit. De sorte que c'est une source exceptionnelle. Exceptionnelle. Et là, l'arbre continue à être vénéré. On a toute une série d'arbres qui sont mentionnés dans les sources. Et puis, c'est intéressant de signaler que ça se maintient, que ça passe de la Grande-Bretagne à la France dans le cycle arthurien, dans les romans arthuriens. Hein, dans l'histoire de, par exemple, de Tristan et Iseut, on a des mentions d'arbres qui jouent un rôle fondamental. Et ça, c'est directement d'origine insulaire. Hein, ça nous vient de Grande-Bretagne et peut-être même d'Irlande. Ce qui est passionnant, c'est de voir ce cheminement où nous avons, pour la religion des Celtes, une lecture par les Romains, même avant que les Romains ne soient installés dans toute la Gaule. Et puis avec la christianisation, il y a une nouvelle lecture, une nouvelle adaptation en fait de ce culte des arbres. Patrice Lajoie, que se passe-t-il à Strasbourg? Il y a des légendes là aussi, là où se trouve aujourd'hui la cathédrale de Strasbourg. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, ces légendes sont dues à des auteurs humanistes de la Renaissance qui parlent d'arbres sacrés, trois êtres qui auraient poussé là à Strasbourg et qui auraient été finis coupés lors de la conquête romaine. Mais ces trois êtres, donc, auraient donné leur nom au peuple gaulois qui habitait là, les Tribocs, donc Triboci. Alors, est-ce que cette légende a forcément un fond très ancien, ou est-ce que c'est une invention des humanistes strasbourgeois du XVIe siècle? Ça reste difficile à dire, mais si c'est une invention des humanistes strasbourgeois, elle est bien trouvée, elle est superbement bien trouvée. Mais c'est bien parce que même invention, il y a une histoire de cette invention. Elle montre en tout cas que à l'époque où cette légende a été mise par écrit, on connaissait encore bien le substrat celtique qui aurait pu permettre d'élaborer cette légende nouvelle, si elle est nouvelle. Ce substrat celtique. On connaissait toujours un minimum des éléments qui permettaient de créer cette légende. Après, il se peut que cette légende soit beaucoup plus ancienne, qu'elle remonte au Moyen-Âge et même au-delà. Dans ce cas-là, ce serait un document extraordinaire, évidemment, mais on ne peut pas le prouver. Oui, c'est ça, c'est toujours ce manque de sources et on salue toujours la rigueur des historiens et des historiennes quand ils s'attachent aux sources et voilà, c'est parfois avouer la limite de notre savoir. Ce qui est certain malgré tout, c'est que ce substrat celtique est resté alors dans nos forêts, mais pas seulement dans nos forêts, chez Thierry Lafronde aussi. Frère, nous ne sommes pas nombreux cette nuit pour adorer ensemble les dieux du ciel et de la terre et de la lune et de la nuit. Mais notre nombre grandit sans cesse. Notre force s'étend dans le monde. Le culte des dieux de la nature triomphe. Nos frères des autres villages nous rejoindront tout à l'heure, prévenus par le message sacré. Alors nous pourrons honorer les vrais dieux selon les rites prescrits. Og. Og. Nous vous offrons cette nuit le sacrifice humain que vous réclamez. Au cœur des années 1960, la série télévisée Thierry Lafronde, alors se passe au XIVe siècle, mais évoque ici des vieux cultes. Alors fantasmé évidemment, le mot qui est repris, Hogan, nous conduit à ce que vous nous parliez, Bernard Sergent, à l'Irlande des IVe siècle, avec des alphabets bizarres, etc. Ce que l'on peut dire, c'est que qu'il y ait des arbres remarquables est une continuité. Ce n'est pas l'invasion romaine, enfin l'arrivée des Romains, et puis ce n'est pas la christianisation qui marque une rupture, parce que dans les campagnes, les habitudes continuent. Oui, en Irlande, il n'y a pas de rupture. C'est ça qui est extraordinaire. Encore une fois, ce pays n'a pas été conquis par les Romains, et il a été christianisé par l'aristocratie, et pas par le peuple, comme ça s'est passé dans l'Empire romain. Donc ça lui fait une histoire tout à fait différente du reste de l'Europe. Et donc, sa poésie a été mise par écrit, donc sa tradition ancienne a été sauvée. Ce qui est unique. Enfin, il y a des choses un petit peu semblables plus tardives au Pays de Galles, mais en Irlande, c'est une situation absolument unique. Et là, on a des mentions, on a une histoire que je cite de mémoire, on a deux jeunes gens qui voulaient s'épouser, on leur interdit, ils plantent chacun un arbre à deux endroits de l'Irlande Et dans la légende, donc, ultérieurement, je crois qu'ils sont tués, je ne me rappelle plus exactement, je crois qu'ils sont tués, et ultérieurement, les deux arbres se rapprochent. Du nord et du sud de l'Irlande, ils vont l'un vers l'autre. Dans ma mémoire, c'est à peu près ça. Mais c'est super joli, Bernard Sergent, comme histoire. Vous êtes l'auteur d'un dictionnaire critique de mythologie publié par CNRS Éditions avec Jean-Loïc Lequelec, et puis des dragons, mythologies, rites et légendes publié par Joran M. Banner. Et dans ces histoires-là du mythe, eh bien, il y a tout un jeu à construire où il ne faut pas soi-même se laisser fasciner par le mythe, d'où la nécessité de faire appel à l'archéologie, à l'épigraphie. Mais il faut le prendre en compte aussi, ces mythes. C'est beau ce que vous nous racontez, ces arbres qui se déplacent. Oui, il faut prendre en compte l'archéologie et ce que vous avez, mais il faut prendre surtout en compte la linguistique. Parce que, comme l'a fait remarquer Patrice à l'instant, si on n'avait pas le nom des Triboki, on serait bien embêté pour savoir comment s'appelait le peuple qui était là. Et si on n'analyse pas le nom Triboki, comment est-ce qu'on peut savoir que ça avait un rapport avec l'arbre? Et oui, c'est ce mystère aussi qui est fascinant dans toute cette histoire. Patrice Lajoie, pour finir, je rappelle, hein, vous travaillez au CNRS et à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de l'Université de Caen. Vous êtes l'auteur de L'Arbre du Monde, la cosmologie celte, et puis la grande anthologie du fantastique russe et ukrainien notamment. Est-ce qu'il y a un lien avec le pouvoir? Est-ce que ces arbres remarquables sont liés à une forme d'autorité? Ah, tout à fait, avec le roi. C'est quelque chose qui est perceptible de façon assez indirecte. On a notamment une histoire d'un roi païen irlandais qui se convertit au christianisme. Et il avait un arbre sacré, et donc une image de l'arbre du monde quelque part. Et donc, à partir du moment où il se convertit, on abat l'arbre, et on le transforme pour en faire les quatre piliers qui vont soutenir la nouvelle église qui est fondée. Ah oui, cette continuité, oui. En fait, c'est quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'on a quelques récits comme ça où un changement de règne s'accompagne par la chute de l'arbre. C'est ça, c'est pourquoi il ne faut pas abattre tous ces arbres, et notamment les arbres sacrés, parce que cela risquerait de faire basculer le monde. Merci beaucoup à tous les deux, Bernard Sergent, Patrice Lajoie, de nous avoir présenté cette histoire difficile, celle de la place de l'arbre dans la religion celtique. Nous ne savons pas grand-chose et en même temps, nous le ressentons énormément. Tant aujourd'hui, ces arbres remarquables nous plaisent. Et puis avec le renouveau des études celtiques, eh bien, ça donne envie d'aller se promener dans les bois. Mais pour le moment, le cours de l'histoire va se promener du côté du pourquoi, du comment de Gérard Noiriel. Comment écrire l'histoire des diasporas ? D'exemple des musiciens arméniens d'Éthiopie. Le mot diaspora désigne des communautés qui ont été dispersées à travers le monde, le plus souvent suite à des massacres. La recherche historique les concernant, qui se sont beaucoup développées depuis une vingtaine d'années, a privilégié les études sur les phénomènes migratoires et sur la formation des réseaux transnationaux. Ce qui a eu pour inconvénient de minimiser les stratégies d'enracinement qu'ont souvent développé les individus issus de ces différentes diasporas. Pour illustrer ce point, je parlerai aujourd'hui des musiciens arméniens d'Éthiopie auxquels l'historien Boris Adjemian a consacré sa thèse. En 1924, Loras Teferi, prince héritier et régent d'Éthiopie, a conclu un accord avec le patriarche arménien de Jérusalem prévoyant l'envoi en Éthiopie de 40 orphelins arméniens rescapés des massacres de la Grande Guerre. Âgés de 12 à 18 ans, ces enfants ont formé pendant 5 ans la fanfare royale du prince héritier et leur maître de musique, arménien lui aussi, composa le premier hymne national de l'Éthiopie. Au moment précis où l'affirmation d'une nation éthiopienne indépendante constituait un enjeu central de la politique étrangère des rois d'Éthiopie, la création d'une musique nationale fut donc paradoxalement entièrement confiée à des immigrants arméniens. La recherche de Boris Adjemian est une contribution originale à l'histoire de la musique et à l'histoire de l'Éthiopie, mais aussi un apport essentiel à la réflexion sur la manière dont se sont formés les États-nations dans le monde. Le cas éthiopien montre en effet que les hymnes nationaux n'ont pas tous été inventés pour exalter les combats des citoyens mobilisés pour défendre leur patrie menacée par des étrangers. Le 1er mars 1896, les forces du Négus Ménélique, ayant remporté à Adoua une bataille décisive contre les troupes coloniales italiennes, l'Éthiopie demeura l'un des seuls États souverains dans une Afrique presque entièrement passée sous domination européenne. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le Rastafari, qui avait reçu une éducation francophone, devint la cible des conservateurs fermement opposés à une politique d'ouverture sur l'Europe qui remettait en cause les privilèges dont bénéficiait jusque-là l'Église éthiopienne. L'invention d'une musique nationale confiée à de petits orphelins fut une manière de mettre en scène l'intégration de l'Éthiopie dans le concert des nations sous la baguette d'un chef d'État réformateur et généreux. Comme la fanfare royale était mobilisée pour toutes les manifestations officielles, sa petite musique permit de faire savoir au monde que l'Empire d'Éthiopie tenait désormais le langage des hymnes nationaux que parlaient toutes les grandes puissances. Cet épisode de l'histoire éthiopienne, réhabilité aujourd'hui dans la mémoire collective, exigeait de compléter les sources écrites très lacunaires en faisant une large place à l'histoire orale. Grâce à l'analyse des mémoires de l'immigration arménienne en Éthiopie, Boris Adjemian a pu mettre en lumière l'enracinement silencieux d'un groupe d'individus situé à mi-chemin du national et de l'étranger. Un groupe silencieux qui a agi aux marges de la société politique, préférant l'intimité et la loyauté discrète à l'éclat de la politique ouverte. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Viudès, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Valentine Lovrens. Une émission à écouter, à podcaster sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France, formidable appli Radio France, où vous retrouvez aussi toutes les émissions du passé et les nouveautés en podcast.